Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Crac-crac Radio Sud.net. 101.8. Yeah, la 25e, il est 22h. Vous êtes bien sur Radio Sud. Radio Sud Besançon, 43 rue d'Arène. Comme d'habitude, 25 000 Besançon, 101.8 sur la bande FM. Radiosud.net pour tous ceux qui nous suivent sur Internet. Donc, comme on le dit et on le redit, merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent depuis notre lancement au mois de février. On continue à faire ce qu'on fait et on continue à kiffer ce qu'on fait. Ce soir, je serai tout seul. Donc, c'est Chao à l'antenne ce soir. Je serai tout seul. Mon ami Jounes ne pouvant pas être là, j'assure quand même l'émission. Comme d'hab, on est là à l'heure et dans les clous. Donc, 22h minuit, la 25e sur Radio Sud. Donc, ce soir, c'est assez simple. Premier jeudi du mois. Nous sommes le 7 novembre. Donc ce soir, ça va être principalement de la diffusion de sons locaux. Donc quand je dis locaux, c'est 25, 21, 70, 90 principalement, même 68. On va dire Est et Grand Est. Pourquoi ? Ben, parce que notre émission, elle est faite pour ça. C'est la promotion de la culture urbaine. Quand on dit culture urbaine, hein, on parle pas que du rap. On parle de tout art confondu. On a déjà reçu des danseurs, on a déjà reçu Magasin de Sap, on aimerait bien avoir des graffeurs. Enfin voilà, on promouvoit l'art urbain, la culture urbaine. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, émission La 25e tout attaché. N'hésitez pas à passer aussi sur Facebook, on a la page sur Facebook, Association La 25e, on est là. Si vous voulez voir, on avait aussi quelques vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc c'est pareil, c'est la 25e, vous pouvez nous retrouver. Et puis on a le mail sur lequel on reçoit toujours pas mal de morceaux, pas mal de petites nouveautés. C'est assolavingcinquième@gmail.com. Yeah, bon, comment on va commencer ce soir? Ça va être simple. Il y a quelques jours, j'ai été contacté sur Instagram, donc émission La 25e. Donc c'est un collectif dijonnais qui s'appelle 9MG. Donc si je me trompe pas, je peux me tromper, mais si je me trompe pas, il est composé de FLP et de BBK principalement, si je me trompe pas. Je pense qu'ils sont à l'écoute en ce moment même à Dijon, donc je vous fais un petit big up, merci de m'avoir envoyé les morceaux. Donc là, je vais envoyer directement deux morceaux donc, qui nous viennent direct de Dijon. C'est BBK FLP, le son c'est Rapport au pluriel, et le deuxième c'est César, donc c'est des prémix. Donc je pense, si on dit prémix, je pense que c'est Home Studio, vous m'en direz plus. Les gars, n'hésitez pas à me contacter, à me redire tout ça. Yes, la 25e, on commence directement son loco BBK FLP Rapport. Et j'enchaîne dans la foulée César, ça nous vient de Dijon. 21 000. Yes. Radio La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Crac-crac Radio Sud.net. 101.8. Passe pas les rapports, j'suis en auto. Les billets, mon seul mot d'or. À la recherche de moula. Cette meuf qui te mettra KO. Je vis bien, mais j'rigole pas. J'suis défoncé comme tous les soirs. Mais j'ai voulu avoir cette vie là. Je sais qu'un jour, gros, ça paiera. Passe pas les rapports, j'suis en auto. Les billets, mon seul mot d'or. À la recherche de moula. Cette meuf qui te mettra KO. Je vis bien mais je rigole pas. Tu t'es foncé comme tous les soirs. Mais j'ai voulu avoir cette vie là. Je sais qu'un jour gros ça paiera. Toujours en recherche de moula. Toujours en recherche de plan cash. Avec mes rats dans la cage. Corps de conquis qui s'entassent. Si je raconte tout faux des poches. Toujours en recherche de moula. Toujours en recherche de plan cash. Avec mes rats dans la cage. Corps de conquis qui s'entassent. Si je raconte tout faux des poches. Toujours en recherche de moula. toujours en recherche de blanc cash. Avec mes rats dans la cage, corps de concu qui s'entasse. Si je raconte te faut des poches, quand j'avais rien dans les poches. J'essaie qu'on ouvre des portes, maintenant qu'on blaire qu'on est proche. Pour nous la banque peu importe, c'est neuf et le reste on les flotte. On voit une salle vide, il faut que je recherche très vite. Si j'ai le regard dans le vide, il faudrait que tu nous évites. On voit une salle vide, il faut que je recherche très vite. Si j'ai le regard rouge vif, il faudrait que tu nous évites. Lef, passe pas les rapports, j'suis en auto. Les billets, mon seul mot d'or. À la recherche de moula. Cette meuf quitte mes tracas or. Je vis bien mais je rigole pas. J'suis défoncé comme tous les soirs. Mais j'ai voulu avoir cette vie là. Je sais qu'un jour gros ça paiera. Passe pas les rapports, j'suis en auto. Les billets, mon seul mot d'or. À la recherche de moula. Cette meuf quitte mes tracas or. Je vis bien mais je rigole pas. J'suis défoncé comme tous les soirs. Mais j'ai voulu avoir cette vie là. Je sais qu'un jour gros ça paiera. BBK FLP rapport. Radio Sud. La 25e tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Et maintenant c'est César sur la 25e, 22h minuit. Ça nous vient du 21000 Dijon. 9 MG FLP BBK César. Yes. Mon art, tous les jours je joue mon âme. Tous les jours je joue normal. Le kick up est comme d'hab. Au moins je n'ai pas de fab. Dans le palais comme César. Armé des meilleures armes. Si tu crois pas bien voir, veux le voir pour Ricard. Mais c'est que je me dis oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce que t'es fort. Oh la la la, je vais pas défendre. Je fais pas d'efforts, surtout quand on pète comme toi. Et j'aimerais que t'effondres, tu passes ta vie à parler de moi. Tu sais ce qui me cause du tort, c'est l'amour là qui est sur mes doigts. Si elle me demande du love, et pas je m'échapperai par le temps. Y'a ton ennemi sur la liste, et pour du cash j'ai des pistes. Pour qui dans qu'un ferme pistache, que du liquide bénéfique, tellement de choses qui m'attristent. Seront-ils là dans le virage, encore hier j'étais type. Mais aujourd'hui qui me détrompe pas. Il me faut du liquide, liquide. Sinon on te liquide, liquide. Il faut du liquide, liquide. Sinon on te liquide, liquide. Tous les jours je vis mon art, tous les jours je vis mon âme. Tous les jours je joue normal, le kick la porte comme d'hab. On raconte pas de fab, dans le palais comme César. Armé des meilleures armes, si tu crois pas bien voir, veux le voir pour Ricard. Et c'est qui je me dis oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Je me roule un gros joint, son discours est succinct. Encore mieux quand je suis loin. Fais attention quand j'ai la rage, je veux devenir inarrêtable. Force et la foi et le courage, demande-toi pourquoi je suis toujours là. Bébé fais la belle, fais la Beyoncé. Je te vois sur la piste en train de t'ambiancer. Fais cadencer, tu veux que danser. J't'ai analysé, fais que m'y j'tenais. Comme un japonais, j'ai tout violé. Je vois pas mon âme, j'aurais pas d'année. Mais je fume l'amener pour tous les fumer. Et tout ce que je fais, c'est calculé. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tous les jours je vis mon art, tous les jours je vis mon âme. Tous les jours je joue normal, le kick la porte comme d'hab. On raconte pas de fab, dans le palais comme César. Armé des meilleures armes, si tu crois pas bien voir, veux le voir pour y croire. Et c'est puis je me dis oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce que t'es fort. Oh la la la, je fais pas d'effort. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce que t'es fort. Oh la la la, je fais pas d'effort. Radio Sud. La 25e tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Yeah, la 25e, il est 22h10, vous êtes bien sur 101.8 sur la bande FM radiosud.net comme d'habitude tous les jeudis soirs. On est là pour promouvoir la culture urbaine locale. Donc ce soir, diffusion de morceaux locaux, d'artistes locaux. On a commencé fort avec l'équipe 9MG. Donc c'est BBK et FLP, deux mecs originaires de Dijon, dans le 21, Côte d'Or. Donc les sons, c'était Rapport et César. Vous pouvez retrouver aussi des clips sur leur chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir 9MG, allez voir aussi sur Instagram. Ils sont là, ils sont actifs, donc on soutient fort. On continue dans la 25e petite playlist. J'ai fouiné un petit peu ce qui se passait en ce moment dans le coin. Et j'ai vu que à Bezac, il y avait du nouveau aussi. Donc je vais vous diffuser un morceau qui s'appelle Dans la Chop. Le son, il est disponible. Enfin, le clip est disponible sur Demolition. C'est Sijay, S-I-J-A-Y. Donc, vous pouvez retrouver ça sur Demolition. Vous tapez sur YouTube Sijay dans la chop et vous tombez sur le clip réalisé par Jawad Adjouj. Donc, je vous balance ça directement et on continue la petite playlist. La 25e, radiosud.net 101.8. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. C'est Jai dans la chop sur la 25e. C'est ma place. Tout tes M, si je les bois, je les graille et puis je me casse. Si seulement tu savais par quoi on passe. Des proches partis, des frères en cage, mais on reste fort, toujours la rage. Des petits peu déterminés, j'ai jamais douté une seconde. J'ai charbonné toutes ces années, le succès arrive à qui sait attendre. Tu veux que je te dise quoi? À ta connerie ou des belles paroles? Moi j'ai tout dans le stock. Tu veux un boy, bah t'appelles ça doc. À l'heure où je t'écris, c'était 3h33, afficheur trop flex. Je posais bien stead, mes refs sont sur le tech. Et si le peur à marche, je prendrais pas la grosse tête. Et je te jure qu'on est vrai, fais un pas de plus et je jure qu'on te fait. La dégaine, je dis, il fait chaud, on est frais. T'es mal le level prix depuis bébé, tu sais. Et maintenant faut faire le nécessaire. Et je compte rendre toute ma famille fière. Et y'a plein de négros qui veulent la guerre. De toute façon, je vous calcule pas, moi je suis ailleurs. Je suis dans la job. 3h temps à tirer sur mon flash, pas besoin de club. Papa, maman m'ont toujours dit que j'étais sage et je suis dans le bloc. J'fais du bénéf, du j'en pars et plus de cash. Et toi, mon pote, dans mon équipe que des frères, pas de fils de là. J'suis dans la job, j'suis dans la job, yeah. Ouais, j'suis dans la job, yeah. Moi j'vise le top, j'évite les flops, j'suis dans la job. Passer 3h temps à tirer sur mon flash, pas besoin de club. Papa, maman m'ont toujours dit que j'étais sage. Toujours dit que j'étais ça, j'suis dans la chop. Parce que 3h temps à tirer sur mon flash, pas besoin de club. Papa, maman m'ont toujours dit que j'étais ça, j'suis dans le bloc. J'fais du bénéf, du j'en pars et plus de cash. Et toi, mon pote, dans mon équipe que des frères, pas de fils de là. J'suis dans la chop. Parce que 3h temps à tirer sur mon flash, pas besoin de club. Papa, maman m'ont toujours dit que j'étais ça, j'suis dans le bloc. J'fais du bénéf, du j'en pars et plus de cash. Et toi, mon pote, dans mon équipe que des frères, pas de fils de là. J'suis dans la chop. Moi j'suis dans la job, moi j'vise le top, j'évite les flops, j'suis dans la job. Passer 3h temps à tirer sur mon flash, pas besoin de club. Maman m'ont toujours dit que j'étais sage. Ouais, c'est si j'ai, si j'ai. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, la 25e, c'était CJ. Désolé, je me suis trompé tout à l'heure. C'est CJ. S-I-J-A-Y. Ça vient de Besançon. Le son, c'est dans la chop. Vous pouvez retrouver le clip sur Demolition, la chaîne officielle sur YouTube. Donc tapez ça, allez voir. L'Instagram, c'est CJ deux fois. Quoi dire? Pour ceux qui aiment le rap, pour ceux qui aiment le live, pour ceux qui aiment les concerts, qui aiment les ambiances un peu confinées, bien hip-hop, bon délire. Ce week-end, le 10 novembre, donc il me semble que c'est dimanche 10 novembre, de 19h à 1h du matin, il y a l'association Alliance Stylistique et le Kings qui font une soirée Back to the Real Hip Hop Part 2. Donc la première partie, c'était vraiment cool. Avec un petit open mic, voilà, vous pourrez retrouver S-Cut, DJ Bounce au platine. Il y aura du beau monde local, hein, évidemment Bisontin, Bab to Black, Gore, Elio, Dan, Tudo, Viper Ghost, Divins, Ice, FF, Aniki, Winston, MC Sheko, Nerda, RCE, BDRG, Lust, D2R et Escut ou Platine, évidemment. Donc ça se passe au Kings, qui se situe rue Battant à Besançon. Pour ceux qui voient à peu près où est la rue Battant, il y a la fontaine, il y a le Kings juste en dessous. L'entrée, c'est 3€. Mais j'ai envie de vous dire 3€, c'est le minimum. C'est le minimum pour une bonne petite soirée hip-hop comme ça. Donc big up à Alliance Stylistique pour ce que vous faites. Big up aux Kings qui nous accueillent. Quand je dis nous, c'est ceux qui kiffent faire des petites soirées hip-hop. Tout ça, on sait qu'on peut aller aux Kings. Donc merci beaucoup. Back to the Real Hip-Hop Part 2 le 10 novembre 2019, 19h, 1h du matin, 3€. Aux Kings. On continue. De toute façon, je referai un petit peu la promo tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Il est 22h17, on a commencé tout doux, on a commencé avec Dijon, on a enchaîné avec Besançon. Donc il y avait 9MG, BBK, FLP. Là, c'était CJ. Et là, je vais balancer Pinkman. Donc Pinkman, artiste qu'on a reçu. Qu'on a réussi il y a quelques semaines dans l'émission. Donc Pinkman a deux projets déjà sortis et il est en train de nous dévoiler petit à petit un troisième projet qui arrive. Donc le projet s'appellera No Life. Vous pouvez retrouver pas mal de clips réalisés par Double L sur YouTube. Donc Pinkman, le son qu'il a sorti il y a quelques temps, il me semble, il y a un peu moins d'un mois. Le son, c'est Low. Et le clip est disponible, donc je diffuse ça directement. Je vous invite à aller voir les clips, hein, évidemment, parce que la plupart des sons que je passe, les clips sont disponibles sur YouTube. Donc retenez bien Pinkman Low tiré de No Life dans la 25e. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Fais ça low, babe. J'ai pas les mots, babe. C'est le summum, je sais pas comment trouver le sommeil. J'ai trop le con, trop d'œil sur mes côtes. Rap tout crève les camps, faudra que tu me présentes tes potes. J'ai pas l'impression de devoir te demander deux fois. Puis tu sais que notre relation est fragile, elle ne tient qu'à deux doigts. Qu'est-ce que je dois faire, et à ma mère, et à ce que tu vois. Maintenant va-t'en, je sais que t'en trouveras 10 à des mieux, moi. Tu sais ce que je veux que tu saches. Je veux plus d'amour que du cash. Je finirai dans les flammes. J'ai mal mélangé les cartes. Baby, je veux creuser les cartes. Jamais je déposerai les armes. Diamant qui chante, ça les calme. Un diamant qui chante, ça les calme. Et quand je m'as vu ma vie colorée, je gagne ma vie comme un Bolloré. Une des prières, je dois honorer. Bi, comment si je finirais sans l'oré. Si tu pensais pas, dit que je parlerais. Tire pas trop dessus, vas-y, moi l'oré. C'est que la nous, ça devient douloureux. Oh, pourquoi tu dis que ça colorait, hein. Ils disaient qu'on ferait rien quand on avait 10 ans moins. Maintenant ils ont faim, maintenant ils ont 20. On fait leur 10 dans le coin, ils ont mis 10 en pain. Je t'avais prévenu une fois, il fallait te prendre en main. J'ai besoin de quelque chose d'autre, j'aime pas la perte, perte. J'suis de la verte, bonne tôt, t'es dans la merde, merde. Moi j'ai affaire au show, t'auras la guerre. Si jamais y'a personne cause, ce sera la même, même. On fait ça low, babe, j'ai pas les mots, babe. C'est le sommeil, j'sais pas comment trouver le sommeil. J'ai trop le gros, trop d'œil sur mes cônes. Crève les camps, faudra que tu me présentes tes potes. J'ai pas l'impression de devoir te demander deux fois. Puis tu sais que notre relation est fragile, elle ne tient qu'à deux doigts. Est-ce que je dois faire, et à ma mère, et à ce que Dieu voit. Maintenant va-t'en, je sais que t'en trouveras, dis ça t'es mieux, moi. Tu sais ce que je veux que tu saches, je veux plus d'amour que du cash. Je finirai dans les flammes, j'ai mal mélangé les cartes. Baby, je vais creuser les cartes. Jamais je déposerai les armes. Diamant qui chante, ça les calme. Un diamant qui chante, ça les calme. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Crac-crac Radio Sud.net. 101.8. Yeah, la 25ème. 22h22 exactement dans la 25ème. On continue les diffusions de morceaux locaux. On est toujours sur Radio Sud.net. 101.8 comme d'habitude. Donc là, le son c'était Pinkman Low, tiré de son projet No Life. On l'a déjà diffusé, il me semble, il y a quoi, il y a peut-être 2 semaines. Donc voilà, big up Pinkman qui est déjà passé dans l'émission. On va enchaîner directement avec du local, du très très local. C'est le poteau Radmo qui a sorti 2 clips, il me semble, cette semaine et peut-être il y a 2 semaines. Donc je vais envoyer les 2 clips directement, enfin les 2 sons. Les sons c'est Emilio et le deuxième c'est Benny B. Voilà, ça a été tourné dans le coin. Donc j'envoie ça directement. Radmo, Emilio, Benny B, la 25e, 101.8 sur la bande FM, radiosud.net. On est toujours là, 43 rue d'Arène, tous les jeudis de 22h à minuit. Yes, c'est Chao. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Chao, Jounes. 22h minuit. Crac-crac radiosud.net. 101.8. C'est comme Emilio Rebenga. Fuck tes anneaux, Lubu Balenciaga. Panamera, je traverse Malaga. Non mais allô, pas de oulala. Pas de bang bang, ratata. Chacun sa ou tout sa baraka. Elle bouge ses pzès comme des maracas. Ouais, j'suis un loup, j'suis un mauvais gars. J'écoutais les sons Capone Mariga. Chez nous les 15 divises à Paris. Ma génération Maroc Sénégal. J'mets les chlassés, chlassés, chlassés comme un million et benga. Chlassés, chlassés comme un million et benga. Chlassés, chlassés comme un million et benga. Chlassés, chlassés comme un million et benga. J'mets l'enfer du mal comme un million et benga. Je vais leur faire du sale comme Emilio Rebenga. Je vais leur faire du mal comme Emilio Rebenga. Je vais leur faire du sale comme Emilio Rebenga. Je suis dans le hood, dans le barrio. Burkina comme un Paris-Brest. J'vais les chasser, chasser, chasser comme un millionnaire dingard. Chasser, chasser comme un millionnaire dingard. Chasser, chasser comme un millionnaire dingard. Chasser, chasser comme un millionnaire dingard. J'vais leur faire du mal comme un millionnaire dingard. J'vais leur faire du sale comme un millionnaire dingard. J'vais leur faire du mal comme un millionnaire dingard. J'vais leur faire du sale comme un millionnaire dingard. J'ai la moustache de Pablo, chaud comme à Chicago. J'me dirige vers la roue comme De Niro dans le casino. Cicatrice sur la peau comme les tatouages d'un chicano. La musique dans le sang comme mieux pas dans la noix de coco. La cocaïne à Pablo sur les yachts à Monaco. J'me dirige vers la roue comme De Niro dans le casino. Cicatrice sur la peau comme les tatouages d'un chicano. La musique dans le sang comme mieux pas dans la noix. J'vais les chasser. Chlassé, chlassé comme un millionnaire dingard. Chlassé, chlassé comme un millionnaire dingard. Chlassé, chlassé comme un millionnaire dingard. Chlassé, chlassé comme un millionnaire dingard. J'vais leur faire du mal comme un millionnaire dingard. J'vais leur faire du sale comme un millionnaire dingard. J'vais leur faire du mal comme un millionnaire dingard. La 25e, c'est Radmo. Emilio, j'envoie directement Benny B. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Radmo, Benny B, dans la 25e. Yes, jusqu'à minuit, on est là, comme d'hab. Des mères depuis Bénébi, Bénébi, Bénébi, on a niqué des mères depuis Bénébi, Bénébi, Bénébi, on a niqué des mères depuis Bénébi, Bénébi, Bénébi, on a niqué des mères depuis Bénébi. Un flow beaucoup trop bon comme en alibi, on a niqué des mères depuis Bénébi, on a niqué des mères depuis Bénébi. Un flow beaucoup trop bon comme en alibi, un flow beaucoup trop bon comme en alibi, on a niqué des mères depuis Bénébi, on a niqué des mères depuis Bénébi. Un flow beaucoup trop bon comme en alibi. Tellement d'amour autour de mon gland, mais tout est brusque au fond de mon âme. J'attends pas le jour, je marche avec le gang. Les minutes, les secondes, le temps nous accompagne. Quand y allait à Dodan, j'en revenais côté passager dans la DeLorean. Des rappeurs de merde se hachent comme Eliam. Si t'es pas venu souffrir, fais du coloriage. De la bête, j'ai pris le poil. Zen, frotte ton label et ton squad. J'ken, tout le rap, je comme une sale chienne. Tous les rageux veulent me cesser sur la veine. J'veux la tour, mon parnasse comme un gataille. Je fais le tour de la ville dans la mairie. J'suis venu baisser ces joints comme c'est pas permis. Même la joint de ces joints suce mon panari. J'trai rend dans la cabine, j'fais un safari. Sur un gros son de la scène dinguerie. La concurrence nous fixe, regard ahuri. Que des gros gabarits dans mon écurie. J'la prends comme un gorille, j'crame des calories. Sur le champ de bataille, soldat aguerri. Les racines vont débit et je collerie. Tu parles comme les médias, c'est des conneries. J'trai rendu mon brava comme ça un ami. On leur donne la médaille sans aucun mérite. J'arrive, j'fous la pagaille dans l'hôtel Henri. J'fume la peuf de meuda quand c'est pénurie. Projet pharaonique, c'est la tyrannie. Quand j'entasse les cul-joints, j'fais une pyramide. Ces rappeurs bouffent des bites comme des boulimiques. Des putains, c'est pas rap comme dans Boulibi. Bénébi, Bénébi, on a niqué des mères depuis Bénébi. Bénébi, Bénébi, on a niqué des mères depuis Bénébi. Bénébi, Bénébi, on a niqué des mères depuis Bénébi. On a niqué des mères depuis Bénébi. Un flow beaucoup trop bon comme en alibi. On a niqué des mères depuis Bénébi. On a niqué des mères depuis Bénébi. Un flow beaucoup trop bon comme en alibi. Un flow beaucoup trop bon comme en alibi. On a niqué des mères depuis Bénébi. On a niqué des mères depuis Bénébi. Un flow beaucoup trop bon comme en alibi. Bénébi, Bénébi, on a niqué des mères depuis Bénébi. Bénébi, Bénébi, on a niqué des mères depuis Bénébi. Bénébi, Bénébi, on a niqué des mères depuis Bénébi. Bénébi, Bénébi, on a niqué des mères depuis Bénébi. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, Radio Sud, on est là sur la 25e, 101.8 sur la bande FM Radio Sud.net. C'était les deux sons de Radmo qu'il a sorti. Les clips sont disponibles sur YouTube. Il y a Emilio et il y a Benny B. Donc on est ce soir, c'est le premier jeudi du mois, on diffuse du local, du local, du local. Donc là on a commencé par Dijon, on a enchaîné avec Besançon. Et là on va partir du côté de Montbéliard. Donc Montbéliard avec K-E-2-L-E. Le son c'est Bon Voyage, un petit délire de vacances, tout ça. Donc big up K-E-2-L-E, Bon Voyage. Le clip a été tourné par Yann le Bâtard, donc ça je tiens à le souligner. Yes, la 25e, on est là, 22h minuit, ce soir, diffusion de sons locaux. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Écoute, file une calachette et max mon voyage, Roya. La la la la la la la la la, Roya. Écoute, file une calachette et max mon voyage, Roya. La la la la la la. Tu fais le mec en Gucci, en gros gamos. En vrai, t'es rien que tu grattes tes poteaux. 5-6 groupies et tu fais le gros. Tu t'inventes des vies, toi t'es qu'un gros mytho. Avec ma clique, on vous met en panique. Ramène ton gang, belette, mets en satire. Alors que ça fait des drifts, moi j'pense qu'au fric, tout est magique. J'fais le tour du monde à 20 piges. Mademoiselle, j't'avais vu, t'avais l'air fâché. Un clin d'œil, un sourire et j't'ai vite charmé. Une copine pour mon pote, on va s'amuser. Je te cite, on te connaît, tu vas pas michetonner. Maman, si t'as fait trop la belle, je te calcule pas. Frappe de Ketama, beaucoup de para, c'est nous la mafia. Oh Roya, écoute, file une calachette et max mon voyage, Roya. La la la la la la la la la. Roya, écoute, file une calachette et max mon voyage, Roya. La la la la la la la. Bécanan, y'a ma moto. Sa chance, y'a la police sur notre dos. Toi t'es beaucoup, moi j'suis seul gros. Tu vends rien ici, ne fais pas le 6 gros. Toi tu fais la halal que t'enchaînes les bouteilles. J'ai la haine devant le miroir comme Cassel. Libérez mes frères, libérez mon cartel. Moi j'ai pas le temps de chanter pour toi ma belle. J'reste là sur une chaise, à bibi de la white. Toi et moi on se connaît pas, pourquoi tu m'as bizarre. Parle pas au phone, on est déjà tricard. Un pouquet, tu me casses dans un 5 étoiles. Lock Panamera, un whisky coca. Et je me balade, MJ Sawajika, kiffe la droga. J't'arrange sur 100 grammes, Oh, Roya, écoute, file une calachette et max mon voyage, Roya. La la la la la la la la la. Roya, écoute, file une calachette et max mon voyage, Roya. La la la la la la la la la. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, la 25e, on est toujours là. 22h minuit, Radio Sud.net. 101.8 sur la bande FM, c'est Ciao. Je fais un bisou à Jounès, hein, t'as pas pu venir ce soir, mais tranquille, hein, je suis pas tout seul, il y a du monde dans les studios. Tiens, je vais mettre les micros. Wesh, les gars, vous êtes là ou quoi? Ouais. Voilà. Voilà, donc ça, je pense que t'as reconnu. Bah du coup, j'ai coupé le micro, mais t'as un truc à lui dire à Jounès ou... Jounès Alvaro, hein. Ah, ah, Jounès, moi j'ai avec lui, mais je te... Ah là là, des grandes stories. Non, apparemment, il a un déménagement à 22h. Alvaro. Yes. Paulou, il va l'aider ou quoi? Bon, pas, Paulou, il est là. Beau Jounès, apparemment, il y a des gens qui te connaissent personnellement, donc voilà, hein. Tant pis, t'as encore loupé. Il y a Izan Banks qui est venu. Il est là, ouais. Il y a l'animal qui est là. Il y a une partie des puristes qui sont là. Il y a Tao Tao, Tic Tac Sushi. Voilà, il y a tout le monde, quoi. On est bien. Il est 22h35. Récapitulatif, ce soir, on passe des morceaux locaux. On a commencé par Dijon, on est revenu vers Besançon, on est reparti vers Montbéliard, après on ira vers Mulhouse. Donc là c'était K-E-2-L-E, Bon Voyage Remix, le clip est disponible sur YouTube, vous tapez K-E-2-L-E, Bon Voyage, vous allez tomber là-dessus, grosse villa, grosse piscine, tout ça, bonne ambiance. On enchaîne directement avec S2M, Freestyle Vif, numéro 1 au guettage. Donc il me semble que ça a été tourné aussi à Montbéliard, si je me trompe pas. Donc un big up aussi à S2M que j'ai pu croiser sur Besançon. Voilà, si tu veux passer à la radio, il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Donc S2M Freestyle Vif au guettage sur la 25e, 101.8 radiosud.net jusqu'à 22h, jusqu'à minuit, depuis 22h jusqu'à minuit, comme tous les jeudis. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, c'est Chao, on est toujours dans la 25e, 101.8, radiosud.net, tous les jeudis, 22h, minuit. Voilà, voilà, là c'était le son de S2M, ça nous vient de Montbéliard, donc big up à toi, big up pour le clip. N'hésitez pas à venir dans l'émission et n'hésitez pas surtout à nous envoyer vos morceaux sur assola25e@gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, émission la25e. On a aussi le Facebook, on a aussi la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir, on est allé faire 2-3 vidéos, on a posté un petit peu. Ça s'est un peu essoufflé parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens pour faire, mais on bricole avec... avec ce qu'on a. Je refais une petite pub. Une petite pub pour ce week-end. Ce week-end au Kings à Besançon. Ce week-end au Kings à Besançon. Alliance Stylistique fait le Back to the Real Hip Hop Part 2 le 10 novembre, ce dimanche. 19h, 1h du matin, entrée à 3€. Il y aura aussi un open mic. Donc pour ceux qui veulent kicker un petit peu, vous pouvez le faire. Il y aura Bab to Black, Gore, Elio, Dan, Tudo, Viper, Ghost, D, Vince. Aïe, ces gens passent. Il y aura du monde là-bas, ça va être chaud. Je pense que la petite cave va être bien blindée. Ce sera DJ Bounce, S-Cut au platine. Donc n'hésitez pas à venir ce dimanche au Kings. Lundi, c'est férié. Donc faut pas hésiter. De 19h à 1h, 3€ le 10 novembre. Back to the real hip-hop au Kings. Alliance Stylistique à la gestion. Yes, on continue. on continue notre petit tour d'horizon. Donc moi j'avais une playlist de 9 sons qui représentaient un peu ce qui se fait en ce moment dans la région. Donc ça a été un peu de Dijon, un peu de Montbéliard, un peu de Besançon. Et là on part du côté de Mulhouse. On part du côté de Mulhouse avec Shoka. Donc le son, c'est une intro si j'ai bien compris. C'est une intro, Shoka c'est l'équipe à Ehud. Donc le son c'est Xani Trapper. C'est une intro, je balance ça directement. Et après, j'irai directement mettre le mix de DJ Master. Un mix d'une vingtaine de minutes. DJ Master, il est sur YouTube. Vous pourrez aller voir le mix pour les puristes parce qu'ils sortent bientôt l'album. Et du coup, on est obligé de faire la promo. Donc là, j'envoie, ça vient de Mulhouse. Xani Trapper, intro, c'est l'équipe. Ehud, c'est l'équipe. Shoka, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Crac Radio Sud.net. 101.8. TNT on the beat. Yeah. Oh, wait, oh, sip it, wait. Oh, wait, oh, sip it, wait. Oh, wait, oh, sip it, wait. Oh, sip it, wait. Oh, shit, fuck that. Oh, shit. Tout est game, motherfucker. Oui, t'as fait toucher la foc. D'abord, elle lit qu'après soc. Des billets planqués dans le coffre. Des billets planqués dans le coffre. Oui, t'as fait toucher la foc. D'abord, elle lit qu'après soc. Tout est game, motherfucker. Tout est game, motherfucker. Oui, t'as fait toucher la foc. D'abord, elle lit qu'après soc. Des billets planqués dans le coffre. Des billets planqués dans le coffre. Oui, t'as fait toucher la foc. D'abord, elle lit qu'après soc. Tout est game, motherfucker. Mais les gosses ont fait jouer taré, bitch, mon coulé pas pareil, ouais. Toi tu fais la queue, moi tu au carré, tu dois dessous, tu vas en ré, hey, ouais. Mais comment pas assez taré, faisais sous cette autre canée, hey, ouais. C'est pili louche jusqu'à planer, mon lisé sous roi varié, hey, ouais. Et ça m'a chaud, bah tout est gang, gang. Et c'est ça, mon, c'est zen, zen. Matavar, respect ta best friend. Matavar, respect ta best friend. Hey, fais chercher la bête, man, vas-y, bête, t'as fini dans la Bentley. Hey, il suffit qu'une pilule, pourquoi tu retrouves au pays de merveille. Chaque gros, c'est dans le hood, hein. Pour les enfants, c'est Chanel enculé, avec mes couches, hein. Dès que je les trouve, mec, dans les excuses, c'est juste un saoul, hein. Check your tail, ouais, t'as pas dit ta mine, mais vu sous ta douche, hein. Gros, chacun a pris sa mort, moi j'ai pris la montre, tout le monde de mes contents. Mais, la bête, donc, à l'essence, je te fais péter, t'as pas réduit la leçon, si, si. La ligne de l'homme, gros, t'as pas fait sur toi, j'ai dit que j'avais raison, ouais. Et j'ai que mes trous, mes chambres, mon gars, nos pages, sur les flots, c'est ta leçon, hein. Pas forcément grave, for real. Mon grave, t'as dit, la ligne, t'as c'est grave, donc je prends des pas derrière. Pour qu'elle ça fait pipi ou dans ta face, ça fait pipi pipi ouais. Tout est game, motherfucker. Oui, t'as pété, j'ai la foc. D'abord, elle lit qu'après soc. Des billets planqués dans le coffre. Des billets planqués dans le coffre. Oui, t'as pété, j'ai la foc. D'abord, elle lit qu'après soc. Tout est game, motherfucker. Tout est game, motherfucker. Oui, t'as pété, j'ai la foc. D'abord, elle lit qu'après soc. Des billets planqués dans le coffre. Des billets planqués dans le coffre. Oui, t'as pété, j'ai la foc. D'abord, elle lit qu'après soc. Tout est game, motherfucker. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Crac Radio Sud.net. 101.8. Ok, on est toujours dans la 25e. Il est 22h44. Radio Sud.net. 101.8 sur la bande FM. Comme d'hab, si vous voulez nous voir, on est au 43 rue d'Arène à Besançon. Donc n'hésitez pas à passer. Il y a du monde qui est là, il y a du monde qui est passé. Voilà, on est tous ensemble. Pas de soucis. Là, c'était le son de Shoka, Xani Trapper. Si je me trompe pas, c'est une intro. Vous pouvez retrouver tout ça en clip sur YouTube. Donc voilà, c'était la première heure, 22h44, c'était la première heure. J'avais dit diffusion de sons locaux. Donc on a fait un peu de Dijonais, on a fait un peu de Bisontin, on a fait un peu de Montbéliard, on a fait un peu de Mulhouse. Donc voilà, juste pour faire un petit tour d'horizon de ce qui se fait ici en ce moment, c'est un peu ce qui est sorti là dans le dernier mois, en fait. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer les sons sur assola25e@gmail.com. Comme d'habitude, on check, on regarde, on écoute, on diffuse dans l'émission. Il y a des mecs qui sont confirmés, il y a des mecs qui débutent. Nous, on est là pour promouvoir tout le monde, on s'en fout. Nous, on s'en fout. On est là pour faire passer les gens d'ici et puis c'est tout, tu vois. Donc, promotion de culture urbaine, la 25e, on est là depuis février. On n'a pas manqué une émission. On a eu plus de 20 invités et ça ne va pas s'arrêter là. Donc, on sera toujours là sur Radio Sud. 101.8, radiosud.net. Pour fermer la première heure, il est 22h45 exactement. J'ai décidé de mettre le mix de DJ Masta, donc qui est un DJ local, évidemment, bisontin. DJ Masta, la spéciale puriste pour l'album qui va arriver. Le bail est sorti fin août. Moi, je l'ai pas mal saigné parce que je le mets beaucoup en fond. Donc là, j'ai décidé de le diffuser en direct. Avant de le diffuser, je crois qu'il y avait un petit mot là. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Ouais, juste. Dédicace à Isan Banks, wesh. Dédicace à Isan Banks, Banks. Oh, t'as capté. Directement. Yes. Bon, ben sur ce, je vous laisse avec DJ Masta, la spéciale puriste, bientôt l'album. Le bail est sorti fin août. Mais vas-y, on envoie ça directement dans la 25e. Yes, c'est Chao, on est là. Jusqu'à minuit. Chao. Radio La 25e. Tous les jeudis. Chao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Individus armés de fusils à pompe qui auraient fait irruption dans cette très discrète entreprise de la périphérie byzantine. Vous le voyez, nous sommes devant. C'est trop privé de l'écriture des escours très très fourbes. Son cri s'étend, y'a le goût de la tumeur dans la bouche des bouffes, la pudeur sous la. Écoute la rumeur, le bruit se répand pire qu'une traînée de poudre. Voix guilleur, c'est trop privé de l'écriture. Écoute la rumeur, le bruit se répand pire qu'une traînée de poudre. Voix guilleur, c'est trop privé de. Écoute la rumeur, le bruit se répand pire qu'une traînée de poudre. Voix guilleur, c'est trop privé de l'écriture des escours très très fourbes. Son cri s'étend, y'a le goût de la tumeur dans la bouche des bouffes, la pudeur sous la bâche des gueux. Seul comme le sou dans la poche d'un gueux. Les voleurs smurf, voleurs smart, somme qu'on écoute, t'amoche un peu. Plus à chaque latte, une la patate, vu la fracture, j'attaque, j'fustige à chaque phrase, on mutise, m'adapte car les murs et les mers ont des oreilles. J'énumère mes morts, mes morts de la merde, font que mes entrailles t'entravent. C'est pas Byzance, c'est pas pavé se dégrade. Ainsi que le rap, sans médisance, lexique phase exécrable. Ainsi que le reprend, une fois que la page est tournée, on se fait les dents sur les barreaux de la cage éternelle. Cause la garde alternée, cause un moral altéré, tout rester enfermé, quand c'est la guerre d'enterrer. Un petit soupir, c'est beau l'espoir, ça fait vieillir. J'ai pas brillé comme tu voulais. Inquiété de mes colères soudaines. J'suis pas né dans un couplet, j'ai dû merder, j'refais le scénar. Scénar, j'aurais dû couper. J'suis planté dans cette page, à revoir celle où tout s'écroulait. L'amertume au fond des yeux d'un gamin. Ça fait couler des heures d'angoisse une fois les lumières éteintes. L'imaginaire devient seul, refuge au sein des tempêtes. Muette, où les murets font 10 mètres. À faire de ça t'es un asile, la peine se t'anasie. En fait le fin en fin de compte offre la toile de fond du peintre. Et tu composes avec l'humeur qui fluctue. Quand ça devient dur de conjuguer présent, passé, futur. Faisant le pour et le contre en vain d'un tape de merde ou d'un ouinge. Et tu sors pas ton coin, c'est dingue, même sans un bracelet du juge. T'emperges. Quand il nous tient, tu surines. Mais pour autant, il n'est pas l'heure de signer la fin des sourires. J'ai des punaises au fond de ma poche, une poignée par époque. On s'en s'écoute avec le cœur en dessous des corps. J'ai vu ça, des fois j'ai pas la force dessiner la fausse. Un petit soupir, c'est bon espoir, ça fait vieillir. Et noir et blanche, si on les touche, du pire, les une voix étrange. Donc je balise, ça paraît. Et noir et blanche, si on les touche, du pire, les une voix étrange. Donc je balise, ça paraît dans le temps de pâlir. Et je pense au mur, ouais. A chaque fois que je prends la caisse, au fond, je suis pas si nul. Il me tient à cœur le dossier de trop d'acquêtes. J'ai au taquet, que j'écoutais 13 ou 14 piges et j'adore si. J'mets des coups quand c'est salope puis c'est triche. J'ai salopé ma vie, mais j'vais pas quitter le navire. J'ai saboté ma rime, j'aime, j'côtoie Marie-Jeanne, j'veux me marier jeune. J'ai paraison chez, j'parais son des paresseux. J'crois qu'on n'est pas les seuls et j'vois que les larmes de ma mère. Quand j'vois, j'ai peur de moi-même, c'est l'heure. Yo, m'amène et merde, sans éclat, c'est clos. Sommes-nous si heureux, j'crénique l'état. J'éclate des clopes à sureau, c'est la milice. Non, tu sais très bien que nous on milite à mort. T'es bien mimi, mais t'es pas genre. Car tu tapines encore la mine au cœur. Moi j'ai le crachat du minotaure, j'ai mis mon temps frère. Tu me tiens à la cheville comme une basket, mon top, mais ce qui m'attend. Vu ce qu'il a genre avec si peu d'argent, c'est peu marrant et bien avant. J'ai pas d'avance, c'est rien à vendre, mais rien à foutre. J'ai les crocs, j'irai la dalle du loup. Léo qui donne du lourd, la réprise, tu sais que ça vient de chez nous, joue pas le balourd. Gros mytho, dis-moi ta balle, plus où je veux faire des tout rêve. Sur une plage pour finir tout ouest, mais c'est la merde, mec. J'rappe les mêmes textes sur les mêmes thèmes. Toute ma vie garder la même thèse, multifonction. On ouvre la taille, on ouvre la tête, tu te la pètes, ma belle. Tu veux que je te prenne ma peine, ça les renvoie, tu me fais de la peine. Tellement de fouet que tu portes la pêche, je te porte la poste, tu me portes le, je me porte mieux sans porter le fric. C'est la milice. Tu n'as pas fini d'entendre parler. Puriste, c'est mata. Nique lundi, 8 ans un samedi soir. Nique lundi, 8 ans un samedi soir. Nique lundi, 8 ans un samedi soir. J'ai pas la gouache, mais je vous emmerde, c'est moi la tâche. Je vais pas aller poser des tabas et baiser. Pas le problème, pas les reines ramener l'anneau. C'est vrai que je me lève bourré, alors je remets ça. Premier réflexe, remettre ma couette sur ma carpe, ça. Deux, trois flexions du doigt, mais d'abord une pression. Un peu d'autres et j'aborde cette question. Qu'est-ce que je vais faire ces jours-ci? Quoi, je vais rester calme. J'peux attendre pour chiner de l'or, j'suis pas Esteban. C'est bizarre, j'crois qu'aujourd'hui j'ai le corps en grève. Est-ce qui fait que tu vois bouger mes poils? C'est le courant d'air, laisse les groupes en guerre, c'est l'affaire entre eux. Y'a tellement de comptes dans leur game, t'inquiète, ils sont assez nombreux, mon vieux. En plus, j'suis pas l'autre nain, j'm'en pas les reines ramener l'anneau. J'ai bien assez de ma vie, j'peux pas rappeler la vôtre. Pourquoi casser la routine? J'préfère cogner la contrainte pour imager ma journée. J'te parlerai de 5 contre 1. Tu veux refaire ta vie, appelle un sale compte peintre. Si le roi du puits, tant mieux. T'auras un style doux. J'sais pas aller poser dès le thème assez baisé. Y'a grève des bus, on prenne l'air plus. Mais le tarma qui est bossé, on persécute. Ouais, le tarma, c'est le beau seul chef. C'est belle, c'est but, c'est péter le fus jusqu'à s'arracher le gauche. Il est la 25ème. Radio Sud 101.8, radiosud.net. La spéciale puriste DJ Masta, bientôt l'album. C'est gars qui se tapent pour 15 dinars. En plus, l'enclume ou le marteau, très peu pour moi. Je compte pas tenter les risques. J'ai raté l'intérim, y'a rien de terrible. Je m'en tape ton terroriste. Je remballe tous mes lyrics. Lâche à vos parts, je veux pas aller bosser. Mais pas l'année prochaine, va chavocage. Je veux pas qu'on me félicite, on plébiscite. La flemme et l'oisiveté, ça se gratte la couenne dans le coin. J'ai flairé ta pitié, y'a putain de poil dans le coin. Y'a plus de 5 grammes dans le joint. J'suis trop sonné, faut que j'banalise le taf. Je paradine le patron, je compte pas lui dire que le cannabis me calme. DJ Masta. Sacré championnat, 5ème république, on préférait ces cantonats. En temps de guerre, et si on y était déjà? Si on crevait la dalle, est-ce qu'on boufferait le chat? Quand ça démarre, y'en a beaucoup qui changent. Pourtant quand ils parlent, y'a des grosses couilles qui pendent. Celui qui t'explique comment t'y prendre. Ils respirent jamais autant qu'ils se branlent. C'est jamais comme prévu, ils ne sauront jamais comme au fond toi t'es dur. Qui n'espère pas que le bifton nous éduque. Je trouverai sur Neptune qui rentre ce qui nous est dû. Je parle pour moi, je me surveille de près. L'amour, la haine, je réveille lequel? Est-ce que le trésor est derrière le sas? Sont toujours aussi forts les enculés d'en face. Dans les petites assemblées, les 2, 3, 4. Dans l'urgence on voit la vérité, je sais de quoi je parle. Les dés sont pipés, on m'a dit serre-toi de ça. Travaille la journée, défonce-toi le soir. Et c'est reparti pour un tour, même à 10 contre 1 pour ça donne quelques indices. La machine n'est pas folle, n'est pas sourde. Elle m'a braqué dans le dos tout en parlant principe. C'est qu'un cycle, les grands incitent au détour. Sera sur si tu fautes pour justifier leur vice. J'ai tâché mon parcours sans savoir que je passais mon tour. A tout, trouver si factice. Pareil, j'ai l'âme d'un artiste. Non c'est pas la voix bitch, j'suis pas mal à bonne bis. Ni un cool baba, dans une caravane kitsch. J'te renvoie la balle avec le bras de Karabatic. Si je mets pas quelque chose sur une feuille de papier ou dans une toile, ça part encore plus. Je sais pas où vider le trop-plein. Et c'est pas moi qui parle, c'est une autre voix. Dans ma tête, c'est un dimanche pluvieux. Par excellent, je fais comme moi, tes frères. Je me fais pluvieux à ce qui paraît, c'est lent, mais là, je me lance. Écris quelques mesures, étrange mélange qui longe mes mots. Mais c'est la dope qui est au c'est sûr, sûr. Je voulais pas de cette vie, je suis pas à plaindre quand les corps décorent ma ville. Ouais, je te jure que le bas est pas à pas, et pas à pas à. Je prends conscience des choses réelles. L'échelle sociale est un échec, que nos chaînes sont les mêmes merdes. H24, ça tourne, j'ai pas 4 sous en poche, c'est moche. Mais j'ai rêvé d'avoir 4 sous en gorge profonde. Et la peine de mes frères, au fond, j'ai la même. Et c'est bien ce qui m'effraie, mais c'est la merde. Je passe ma vie en plein de sous-trac, je suis un connard. même pas capable de mettre les cartes sur table, on capte sur le tas. Et ça t'étonne qu'on finisse bancal, des capsules grasses. Et certains filles sur le bocal, localement, ils se déroulent tous le grand tapis. Non, que des menteurs, à mon avis, faut qu'on sévise. Grande déception. Quand je vois l'avenir, nos mômes, gamine de 17 piges, s'enivre de 10 pour faire l'aumône, l'enfer, nos mots. Ça sort jamais quand on veut, on sait jamais ce que l'on veut, on se fait enculer quand on vote. La musique est belle et bonne, mais elle me casse les couilles. De belle étoffe, j'oublie mes temps, envie de casser tout, du jazz et rap. C'est quasi nage, j'avoue, mais tu me diras jaloux, rien de mieux qu'une belle tirade. Si les petits raps, j'y peux tasser, qui est-ce crack, c'est pour casser. Vie bancale, en tout cas, il faut tasser. Moi, je suis un booksop. Jusqu'à la prochaine bouteille, j'enchaîne les prods comme les jaloux et rien n'apprend les douter. On t'a flashé des couplets, sans jamais cacher le bout de steak. J'ai charbonné sans causer maintenant, faut se mettre à couvert. Laissez tomber le dièse, si t'en as pas la carrure. Les hôpitaux sont remplis de mer, pleurant leurs mots, ma capuche. Sur qu'on connaît la fracture sociale, les factures. Les mecs viables, les sales putes, les gens bien, les crapules. J'crée pas mes rêves en gobant des drogues dans une capsule. Mais viens pas me montrer une brèche en appelant ça une cassure. J'suis pas sûr de l'issue de ce bordel monstre, mais je continue. Même si y'a que la juge qui me dit que je vais démon. C'est pas les démons qui m'empêchent de pioncer. Aucune blessure ne m'empêchera de foncer. Je te dirai toujours que ça va, même tout en bas du puits. À vouloir préserver du love, ça en devient stupide. Y'aura pas des gars surprises que le quota prévu. Mais pour ta vue, je suis hal alors que mille disaient que je taperais le mur. Je prends pas une paye de ministre à lâcher des mots sur feuille. Tu veux savoir qui je suis? Écoute ma démo sur Scud. J'ai l'esprit hivernal, là où la folie fait mal, là où la puce frappe. Comme un son de Jim Kiffilus, dis que ça, one mark, dédicace à l'équipe, moi je kick ça. Malade pour mes gars dans la rythmique, j'arrive vite, préparer les carnets de chèque. Je dirais comment percer une vague avec une poignée de sel. Ouais, je viens ramener du frais, le pôle Nord dans mes bagages, à ce qui paraît. Bientôt y'aura point zéro dans les parages. Salut Farin, c'est les jumeaux, amateurs de mes syllabes. Tous ceux qui m'ont dit Rizzo, non, tu peux pas mourir mille fois. Mais y'a qu'un fantôme sous les sapes, un coup de stylo sous les drames, du macadam sous les pieds. Mais cette fois y'a plus d'étoiles, je redoute l'arrivée de l'été. C'est bizarre, mais j'aime le froid. Mon sang il circule mal, alors souvent j'aime me voir. M'en voulez pas, j'suis pas une star. J'préfère écrire dans l'ombre que dans un cas. Et faire du son valable, ils ont baissé leurs fans. La 25ème Radio Sud 101.8, Radio Sud.net, jusqu'à minuit. La famille, la spéciale puriste, DJ Master. Bientôt l'album, les gars, yes. Il ne manquera que Jai, Souli et les autres. Que j'aille dans ma rétine, je les zéro. Je veux pas finir ex aequo, mais prendre la place qui me revient. Si le tableau il est si beau, alors dis-moi pourquoi leur peint, j'ai passé quoi, non. Une sirène m'a massé le crâne, et d'un coup dans un espace restreint, j'ai les idées larges. Dégage de là, si t'es pâle, dans ma tête, genre qui l'efface. À défaut de remplir les salles, je les mitraille, je suis pas vivable mais efficace. Du mal, ça m'est vital, on est vital, et je veux laisser un héritage véritable. Où je les gâche, j'ai les pailles. S'il vous plaît, coupez les farces, et mes grâces, topez les tasses et les garces. Attends que j'perde. Attends que j't'explique, épite, des patates dans les pupilles. En cardiaque sur un Airbus. En plus on fait des loopings. La nuit on te fait des tueries. Des grenades dans la cabine. C'est Noël dans les cravates. T'auras ton paquet de pralines. Arrête d'étaler ta vie. Enlève tes slims, tes Jordan. N'envisage pas la copie. Le style est inabordable. Mais bordel, reste correct. C'est pas soirée fashion ici. Y'a pas graillé dans nos gamelles. C'est nous qu'allons toper les vivres. Non, non. On n'ira pas jusqu'à toper la vie. On a des règles qui partent loin. On est pas du côté de Tel Aviv. Ouvre nos livres. Lis la suite. Tu verras ses gores. C'est pas quelques rimes pour corser le beat. Il va finir gorgé de balles. Hors série. En série. Va te renseigner. Y'a pas de serrure. Mais bon, j'ai vu mes restes. C'est les parcés. Salauds. Parfois. C'est rude. Et vite pour eux. Y'a pas de cellule. Obligé de passer nos nerfs. Il suffit d'un gros cul pour voir Bruno. Ni rembrasser nos verres. On n'a pas le temps de passer au vert. Je crois qu'on a trop de dièse, monsieur l'agent. On fera souffler nos vies dans vos alcotes. Faut pas confondre. Rase moquette. Bim. Quatre roquettes. Vire. Ta roquette. Fil. Sale roquette. Attendez, dis-moi comment tu fais de la funk avec les bras tendus. Je me laisse voguer au gré de la prose quand toute ma bitch vient menaçant. Dans le full levis, viens m'enlacer, je mets toute la villa. Je me laisse voguer au gré de la prose quand toute ma bitch vient menaçant. Dans le full levis, viens m'enlacer, je mets toute la villa. Je me laisse voguer au gré de la prose quand toute ma bitch vient menaçant. Dans le full levis, viens m'enlacer, je mets toute la villa. Feu à sang, les genoux gravitent, rien de relaxant. Se réconforter auprès de l'alcool pour t'escroquer, je suis démagogue, peut estropié là dans l'instant. J'attends la suite, les doigts lestés. Pire qu'une dinguerie de l'égile esti, je te dis laisse tomber. Je suis indécis, plein d'inertie, j'ai pas dit merci, ni au bave, ni au proc. Mais gars, déboire qu'au microphone, si t'es pas à mon niveau proche, j'tis bédard avec cri trop fort, dur d'écrire ce qu'on forme. Entre coup et mif, entre coup et bif, sens-tu le confort?